Alors là, il y a trois, il y a au moins trois explications. La première, c'est on disait que les soldats qui sont arrivés en 1830 avaient des bottes des bottes ou des noires. Donc ça, par rapport à ça, on a commencé à dire qu'ils avaient les pieds noirs. La deuxième version, c'était les gens qui étaient dans la vigne et donc qui foulaient le raisin avec leurs pieds. Donc ils se salissaient les pieds, ça se remplissait de, comme de l'encre, quoi. Et donc ça faisait aussi des pieds noirs. Et en fait, il y avait même une autre explication qui était donnée, c'est que justement, c'était les Algériens d'origine, algériennes, qui étaient souvent pieds nus aussi. Moi, je sais que dans ma propre école à Mostaganem, les enfants arrivaient à l'école avec leurs chaussures. Puis dès qu'ils rentraient dans la cour de l'école, ils enlevaient les chaussures, ils couraient pieds nus. C'était comme ça. Les gens dans les bleds, ils n'avaient pas des chaussures extra, etc. Donc, ils restaient pieds nus. Ils avaient l'habitude. Et donc, ils se noircissaient les pieds de la poussière, etc. etc. Et puis après, finalement, le terme pied noir est venu. Moi, je n'ai jamais entendu parler de pied noir quand on était en Algérie. C'est des journalistes américains qui ont commencé à comparer avec les Blackfeet, qui étaient une tribu indienne. Et ils ont appelé ça les Blackfeet. Après, les pieds noirs, ils ont dit, pour les différencier, des blancs aux États-Unis. Voilà. Alors, la grosse bagarre, est-ce qu'il fallait dire un pied noir au singulier ou un pied noir et les pieds noirs au pluriel? Parce qu'il y en a deux pieds à moins de... Donc, on met toujours pieds noirs. Et alors, c'était quand même... Longtemps, ça a été... Péjoratif. Et lorsqu'en 83, on a créé l'Amicale des Pieds Noirs, j'ai tenu avec le conseil d'administration à dire, on ne va pas s'appeler Amicale des Rapatriés de ceci, de cela, parce que ça existait, ce genre de nom d'association. Moi, j'ai dit, je revendique Pieds Noirs, et je veux porter le terme de Pieds Noirs, comme on peut être fier d'être basque, comme on peut être fier d'être suisse, d'être normand, d'être breton, etc. Et j'ai dit, voilà, maintenant je porte ça comme un fanion, un drapeau. Et là, ça s'est trouvé que, avec l'histoire de Gaulle, tout le monde a cru que de Gaulle allait nous sauver, hein, garder la France. Il était venu avec de grandes, belles paroles auxquelles tout le monde était adhérent. On a des films qui ont été tournés. On parle maintenant du voile, mais je peux vous dire qu'à Alger, à Oran et ailleurs, dans toute l'Algérie, les femmes musulmanes, et nous, on a vécu avec elles, elles étaient dans la ville d'Oran, elles avaient le voile blanc, tu te rappelles, avec le voile, avec un laïc, elles plient comme ça, elles souvent regardaient avec un salé, tu te rappelles, tu as connu ça. Ouais. Et elles avaient enlevé les vêtements, entre guillemets, religieux, je vais dire comme ça, pour employer un terme à la mode. Et elles étaient toutes contentes d'être comme tout le monde. Et il y avait une véritable fraternisation, moi je peux vous dire, une véritable. Moi je suis né dans un quartier pauvre, je l'ai déjà dit, où les rues n'étaient même pas goudronnées. Les petits épiciers qui étaient au bout de la rue, c'était des petits arabes, on disait comme ça les petits arabes, on disait les arabes et les européens. Tu te rappelles de cette expression, hein? Et donc on vivait en parfaite harmonie. Le propriétaire de la maison où j'habitais, avec mes parents, c'était un musulman. Un Algérien, donc il n'y avait pas de problème particulier. Et non, alors petit à petit, ça s'est envenimé avec De Gaulle qui a commencé. Alors là, c'est le contraire, ils ont commencé à faire la chasse. Il y avait les attentats avant. Il y avait les attentats depuis 1954. Ouais. Moi, j'ai trois cousins tués. Les attentats. Un au combat, il était parachutiste à 20 ans. Et les deux autres ont été tués, l'un d'une balle dans la nuque devant chez lui. Et l'autre a été rafalé devant la... J'évoquais la petite épicerie de mon quartier. Mais on s'imagine que les pieds noirs étaient tous des gens avec la schlag à la main, etc. etc. Les poches remplies d'argent. Moi, mon père était cheminot, hein, et il travaillait aux ateliers pour réparer les trains. Ton père était factotum au lycée. D'origine, à l'origine, il avait fait une formation d'ébéliste. Et puis, combien de gens ont été des gens pas très, très riches, hein? Nous, tu peux même dire pas riches du tout. Non, nous, on était sept à vivre dans deux pièces cuisine. Hein? mon père, ma mère et 5 enfants. On était des familles relativement nombreuses, un peu comme les Algériens, ceux qu'on appelait les Algériens. D'ailleurs, on n'appelait pas les Algériens, on disait les Arabes. Parce que c'était une... les Arabes, il n'y en avait pas tant que ça. Non, parce que le vrai arabe, c'est pas ça. Hein. Il y avait des berbères aussi, tout ça. Donc là aussi, il faudrait rentrer dans le détail des... Après, c'est dans le détail historique, des ethnies, et c'est plus facile. Ça, c'est s'est amplifié de 54 jusqu'à 62. Ça n'a fait que de plus en plus. Ça a été de pire en pire, et le FLN a dit, ben maintenant, c'est la valise ou le cercueil. Les gens affolés, mais... Ça s'est précipité. On est tous plus ou moins partis, on va dire. Et ceux qui ont le plus souffert... Alors, c'est pour ça que j'allais passer la parole à notre ami. Parce que étant les supplétifs, étant compromis avec les Français, on savait qu'on allait les tuer. Hein. Et on leur avait promis qu'on ne les abandonnerait pas. Et on les a abandonnés. Il y en a très peu qui ont réussi, comme la famille d'Amid, à venir. Je ne dis pas à revenir en France, parce que la plupart, que ce soit des pieds noirs ou des Erkis, ne connaissaient pas la France, la métropole. On ne la connaissait pas, toi tu ne la connaissais pas non plus. Et c'est donc à ce moment-là, quand ça a été la folie, tout le monde partait. Et les Erkis, on leur avait promis qu'on ne les désarmerait pas, qu'on s'occuperait d'eux et compagnie. Et on les a... Non seulement on leur a dit, non, on va vous aider, on les a abandonnés, on les a trahis. On les a désarmés d'abord. On leur avait donné des armes. On a laissé des familles entières. On les laissait dans les douars sans armes. Sans armes, même pas ça. Parce qu'on savait très bien que les gens du FLN les traiteraient de traîtres et ne leur feraient aucun cadeau. Hein. Et alors après, il y en a certains qui ont pu s'échapper grâce à quelques officiers militaires ont pris contre les ordres du gouvernement. Mmh. On a un document, hein, puisqu'il y a maintenant la cérémonie du 12 mai, où c'est la journée de la trahison. Et il y a le ministre des armées, Mesmer, a donné l'ordre aux officiers de ne pas embarquer ramener personne. Et que si jamais le ferait, il serait sanctionné, etc. Il y en a qui ont quand même réussi à sauver des familles entières d'Erki. Alors ça, ils ont eu un traumatisme plus que... Hein, on considère qu'ils ont été plus maltraités encore, mais nous. Beaucoup plus maltraités. Parce qu'on a essayé encore plus de camoufler leur drame. On a essayé de le camoufler et de le cacher. On les a mis dans des cas, il ne fallait pas en parler, il ne fallait pas dire. Ça a été terrible. On ne pourra jamais réparer tout le mal qu'on leur a fait. C'est impossible. Tout le mal, comment on les a traités. Comment on a traité des personnes. On ferait ça maintenant au 21e siècle. On nous traiterait de quoi ? Alors, on parlait des nazis, on parlait des communistes, tout ce qu'ils ont fait de mal, mais dans ces cas-là, la France ne s'est pas bien conduite. On peut même dire, elle s'est très mal conduite. Très, très mal.